L'islamisme, d'après le Coran par Monsieur Garcin de Tassy. Chapitre 17. Des incrédules. Ceux qui ne croient point à la vie future sont les méchants. 16-62. Les incrédules sont semblables à celui qui entend les sons de la voix sans rien comprendre. Sourds, muets et aveugles, ils n'ont point d'intelligence. 2, 165, 166. Les œuvres de l'incrédule sont semblables à la poussière qu'un vent violent disperse dans un jour orageux. Ils n'en retireront qu'une utilité. 14, 21. Le juste qui éclaire la lumière céleste sera-t-il semblable à l'impie pour qui le crime a des charmes, et qui suit le torrent de ses passions? 47, 15. Les incrédules ont le mensonge pour guide, les croyants marchent au flambeau de la foi. 47, 3. La vue des miracles ne vaincra point l'incrédulité de l'impie. La vraie doctrine lui paraîtra fausse. Il prendra le chemin de l'erreur pour celui de la vérité. Cet aveuglement sera le prix de ses impostures et du mépris de nos commandements. Les actions de celui qui blasphème contre la religion seront vaines. Serait-il traité autrement qu'il a agi? 6, 144 à 146. En vain, tu veux les instruire. Leur cœur rejette l'instruction. S'ils voyaient des prodiges, ils s'en moqueraient. Ils les attribueraient aux effets de la magie. 37, 43 à 15. Le spectacle merveilleux des cieux et de la terre, les miracles et les prédications ne serviront de rien à ceux qui ne croient pas. 10, 98. Ils voudraient éteindre de leur souffle le flambeau de la foi, mais Dieu fera briller sa lumière, malgré l'horreur qu'elle leur inspire. 61, 10. Dieu est les fourbes et les impies. Ils se déguisent devant les hommes, mais ils ne peuvent se cacher aux yeux de l'Éternel. Il est avec eux quand, au milieu des ombres de la nuit, ils profèrent des discours qu'il abhorre. Il environne de sa science toutes leurs actions. 4, 107, 108. L'erreur est le partage de celui qui refuse de croire et qui s'écarte des voies du Seigneur. 4, 165. Oh, combien le nombre des croyants est petit. 2, 82. Malheur à ceux qui, endurcis dans le crime, rejettent les préceptes divins. Ils sont plongés dans l'aveuglement. 39, 23. Dis aux incrédules, bientôt vous serez rassemblés dans l'enfer, séjour des tourments. 3, 10. Annonce à ceux qui nient la foi qu'ils seront la proie des flammes, ils ont rendu vain le mérite de leurs œuvres dans ce monde et dans l'autre. Ils n'ont plus de secours à espérer. 3, 20, 21. Attendent-ils la venue des anges, l'apparition de Dieu ou les signes de ses vengeances? Le jour où il les manifestera, la foi sera inutile à celui qui n'aura pas cru et fait le bien auparavant. 6, 158. Malheur à vous qui blasphémez contre Dieu. Les cieux et la terre composent son domaine. 21, 19. Vos yeux seront-ils donc toujours fermés à la lumière? 23, 91. La conversion des incrédules serait pour eux une source d'avantage. S'ils la diffèrent, Dieu les punira dans cette vie et dans l'autre. 9, 75. Ceux qui nieront la doctrine divine ne doivent s'attendre qu'à des supplices. Dieu est puissant, et la vengeance est dans ses mains. 3, 3. Avant vous, notre justice fit disparaître des nations criminelles, après que nous leur eûmes envoyé des prophètes pour les appeler à la foi. C'est ainsi que nous récompensons les prévaricateurs. 10, 14. Ne suis pas celui dont le cœur nous a oubliés, et qui n'a pour guide que ses désirs et ses passions déréglées, 18-27. Que leur richesse et le nombre de leurs enfants ne t'éblouissent pas, Dieu s'en servira pour les châtier dans ce monde, et ils mourront dans leur iniquité, 9-86. Fuyez ceux qui déchirent la religion, jusqu'à ce qu'ils changent de discours, 6-67. Ceux qui recherchent l'amitié des mécréants, plutôt que celle des fidèles, prétendent-ils se faire un appui de leur puissance? Toute vraie puissance vient de Dieu, 4-138. Songez que vous ne devez pas vous asseoir avec les incrédules. Que ceux qui craignent le Seigneur n'aient pour eux que du mépris, qu'ils ne se rappellent leurs souvenirs que pour les éviter. Éloigne-toi de ceux qui, aveuglés par les charmes de la vie, se jouent de la religion, 6-67-69. Si quelqu'un d'entre eux meurt, ne prie point pour lui, ne t'arrête point sur sa tombe, parce qu'ils ont refusé de croire en Dieu, et qu'ils sont morts dans leur iniquité, 9-85. L'impie qui aura détourné ses semblables de la voie du salut subira des peines plus rigoureuses, parce qu'il aura été corrupteur, 16-90. Les impies s'unissent pour commander le crime et abolir la justice, leurs mains sont fermées pour l'aumône. Ils oublient Dieu dont ils sont oubliés, parce qu'ils sont prévaricateurs. Dieu a promis aux scélérats et aux impies le feu de l'enfer, ils y expieront leur forfait, chargés de ses malédictions, et dévorés par des tourments éternels, 9-68-69. Les incrédules sont unis entre eux, si une semblable union ne règne parmi vous, le schisme et la corruption couvriront la terre, 8-74. L'homme est libre de croire, ou de persister dans l'incrédulité, 18-28. Mais celui qui refuse de croire est plus abject que la brute aux yeux de l'Éternel, 8-57. Combien nous avons créé d'hommes dont l'enfer sera le partage, ils ont un cœur, et ils ne sentent point, ils ont des yeux, et ils ne voient point, ils ont des oreilles, et ils n'entendent point. Semblables aux vils animaux, ou plus aveugles qu'eux, ils restent dans leur abrutissement, 7-178. Ceux qui, attachés à la vie du monde, désireront ses plaisirs, y recevront le prix de leurs œuvres, et ils ne seront point trompés, mais leurs œuvres seront vaines et sans prix pour la vie future. Le feu sera leur récompense, 11-17-18. Nos faveurs ne servent qu'à les rendre ingrats, 16-57. Ils se livrent aux jouissances de cette vie, mais qu'elles sont faibles en comparaison de la félicité éternelle, 13-26. Songez que la vie du monde n'est qu'un jeu frivole, son éclat, votre émulation pour la gloire, le désir de vous surpasser mutuellement en richesse et en enfants, ressemble à la pluie, la plante qu'elle fait éclore et jouissait l'œil du cultivateur, un vent brûlant l'a desséchée, elle est jaunie et devient une paille aride, 57-19. Vous êtes dans un état florissant, mais je crains pour vous la peine du grand jour, 11-84. Vous chérissez une ombre fugitive, et vous abandonnez la vie future, 75-20. Vous êtes semblable aux impies qui vous ont précédé, ils jouirent des biens terrestres que le ciel leur départit. Vous avez joui comme eux de votre portion, vous avez parlé comme ils parlèrent, leurs actions ont été vaines dans ce monde et dans l'autre, et ils ont été dévoués à la réprobation, 9-70. Les cieux et la terre leur offrent des merveilles sans nombre. Ils passent, et ne veulent pas ouvrir les yeux. 12, 105. Ils cherchent à fixer les regards des hommes, et peu d'entre eux pensent au Seigneur. Flottant entre la foi et l'infidélité, ils ne s'attachent ni à l'une ni à l'autre. 4, 141-142. L'infortune a-t-elle visité l'homme? Couché, assis, debout, il élève vers nous sa voix plaintive. À peine l'avons-nous délivré du fardeau qui l'opprimait, qu'il passe comme si nous ne l'avions pas soulagé. Ainsi l'impie se plaît dans son ingratitude. 10, 13. Lorsque les flots couvrent le navire comme des montagnes ténébreuses, les mariniers invoquent le nom de Dieu, ils lui montrent une foi sincère. À peine les avons-nous sauvés et conduits au port, que le plus grand nombre flotte dans le doute. 31, 31. L'homme comblé de nos faveurs s'éloigne de nous dans son ingratitude. Est-il en proie au malheur? Il se livre au désespoir. 17, 85. Quelques-uns d'entre eux ont promis à Dieu que, s'il ouvrait pour eux les trésors de sa bienfaisance, il ferait l'aumône et embrasserait le parti de la vertu. Dieu a comblé leurs désirs, l'avarice, l'éloignement de la foi ont été le prix de ses bienfaits. 9, 76, 77. Il est des hommes qui disent, nous croyons en Dieu et au jour dernier, et ils n'ont point la foi. Ils veulent en imposer à Dieu et aux croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne le comprennent pas. Leur cœur est gangrené. Une peine déchirante sera le prix de leur mensonge. 2, 7 à 9. À l'abord des fidèles, ils disent, nous professons la même religion que vous. Avec les impies ils tiennent un autre langage, ils se déclarent de leur parti, et se jouent des croyants. 2, 13. Ils seront jetés au fond de l'abîme de feu, ils n'auront plus de secours à attendre. 4, 144. Ceux qui font l'aumône par ostentation et qui n'ont point la foi seront les compagnons du diable. 4, 42. L'impie qui se sera efforcé d'abolir le culte du Seigneur sera la proie des plus cruels supplices. 34, 5. Quel spectacle lorsque les pervers seront dans les angoisses de la mort, lorsque l'ange, Azraïl, étendant ses bras sur eux, prononcera ces mots, rendez-moi vos âmes. Aujourd'hui vous allez subir un supplice ignominieux, digne prix de vos blasphèmes, et de l'orgueil avec lequel vous méprisez le culte du Très-Haut. 6, 93. Dieu anéantira les œuvres des infidèles qui écartent leurs semblables du chemin du salut. 47, 1. Ceux qui blasphèment contre sa majesté suprême n'arriveront point au séjour du bonheur. Après de courtes jouissances, nous les citerons à notre tribunal, et nous punirons leur incrédulité par des tourments éternels. 10, 68. Le mensonge préside à leurs œuvres. Elles seront sans poids au jour du jugement. 18, 105. L'impie qui, dans son orgueil, accusera notre doctrine de fausseté, trouvera les portes du ciel fermées. Il n'y entrera que quand un chameau passera dans le trou d'une aiguille. L'enfer sera leur lit, le feu leur couverture, juste prix de leurs attentats. 7, 38, 39. Ils ont acheté l'erreur pour la vérité. Quel avantage en ont-ils retiré? Ils n'ont point suivi la lumière. 2, 15. Un jour les incrédules regretteront de n'avoir pas eu la foi. Laisse-les jouir des délices de la vie, et nourrir dans leur cœur de douces espérances. Bientôt ils verront. 15, 2, 3. Ils les verront un jour, ces peines dont ils se moquaient, et personne ne les en délivrera. 10:10. Les flammes, objets de leur raillerie, les envelopperont. 39:50. Si tu les apercevais à l'instant où ils y descendront, tu les entendrais s'écrier, plus à Dieu que nous puissions retourner sur la terre. Nous ne blasphémerions plus contre la religion, et nous croirions en elle. Ils ont vu la vérité qu'ils scellaient. Quand ils reviendraient sur la terre, ils retourneraient à l'erreur. Leurs cœurs sont livrés au mensonge. 6:26-27. Markendan Archivorg 2021 d'après Gallica BNF FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.